Épilogue 1. Zalamor. Paulin Broquet entra dans la cellule où l'on tenait Zigomar. « Suivez-moi, » dit-il. Zigomar ne répondit rien. Il se contenta de sourire en homme qui attendait cette phrase qu'il savait prochaine. Paulin Broquet le fit monter dans une auto. Au volant se trouvait ma pipe, rétablie. Sur le siège, Simon. Dans une autre auto venaient Gabriel et Lamorce, puis plusieurs hommes de la brigade. D'autres voitures suivaient, emportant des broquets. En route, Paulin Broquet dit à Zigomar, « Vous êtes sans lien. Je ne vous ai passé ni menottes, ni poussettes, ni entraves. Je vous remercie. Je ne vous le demande pas. Écoutez-moi. Nous allons à Fontenay-aux-Roses. Charmante promenade. Vous allez me rendre Darling et Miss Eden. » Et comme Zigomar allait parler, le détective lui coupa la parole. « Laissez-moi achever. Vous allez me rendre Darling et Miss Eden. Et quand j'aurai la certitude que la mère et l'enfant sont en sûreté, où je les fais conduire, à Neuilly, c'est mon affaire. J'attendrai avec vous, dans cette voiture, aux environs de la villa, le retour de mon messager. Alors seulement je vous laisserai partir. Vous êtes bien aimable. Cette voiture est fermée, mécaniquement. Vous ne sauriez en ouvrir les portières. Vous êtes encore mon prisonnier. Vos hommes ne peuvent tenter aucun coup de main pour vous délivrer. Je suis en force. Mes précautions sont bien prises. Et vous savez que chaque bataille est absolument néfaste pour Zigomar. » Zigomar ne répondit rien. Paulin Broquet poursuivit. « Maintenant, je dois vous dire ceci pour votre gouverne. Ce n'est pas le détective qui cède à Zigomar. Paulin Broquet, détective, a rempli sa mission. Il a sauvé la caisse d'or à lui confiée. Désormais, Paulin Broquet n'existe plus comme policier. « Vous épousez Miss Eden, » ricana Zigomar. « Belle femme, grosse fortune, mes compliments. Enfin, vous l'avez bien gagnée. Ah !» Il y a assez longtemps qu'on vous trouve naïf de ne pas profiter de l'amour que Miss Eden éprouve pour vous. » Paulin Broquet répliqua. « J'ai donné ma démission de détective. C'est donc dès ce moment l'homme privé que vous avez en face de vous. Ah ah, enchanté. Si le détective était lié, comme vous l'avez reconnu, par une loi ridiculement humanitaire envers les bandits et retenu par une sensiblerie qui favorise tout malfaiteur, l'homme privé que je suis n'a pas ses scrupules et aucun article du code ne l'empêchera. Le cas échéant, d'user de son droit de vous abattre comme vous le méritez. C'est maintenant vous et moi qui serons en présence, deux hommes, et à la première rencontre, au premier combat, ce sera entre nous un duel à mort. Me voilà prévenu. Je me doute, connaissant votre bravoure et soupçonnant la haine que votre cœur magnifique ressent pour moi, que ce n'est pas là une menace vaine. C'est bien, je me défendrai. Oui, défendez-vous bien. Car plus fort que ma haine que vous soupçonnez est mon désir de vengeance, ma volonté de vous tuer. » Les automobiles arrivèrent près de la villa de Fontenay-aux-Roses. Lamorce alla sonner à la grille. « Tom Twig ? » demanda-t-il aux aides qui, en jardinier, accourut. « Allez lui annoncer que Zigomar est là. » Peu après, Tom Twig apparut. Il serra la main de Zigomar par la portière, puis, sans rien dire, ayant salué Paulin Broquet, il sortira et rentra dans la villa. Paulin Broquet attendit anxieusement. Un quart d'heure après, parut à la grille de la villa une auto. Dans cette auto se trouvait Miss Eden tenant dans ses bras, comme voulant la protéger contre tout danger, sa fille Darling. Puis les deux bons shippers, le pasteur et sa digne épouse, ayant en main, comme un sabre, prêt à faire belle besogne, leur gros parapluie de cotonnade. « La voiture n'est pas truquée ?» demanda Paulin Broquet à Zigomar. « Elles n'ont rien à redouter ?»« Non. » Paulin Broquet fit un signe à Gabriel, qui se tenait près de la portière de son auto. Aussitôt, des hommes de la brigade de Paulin Broquet sautèrent sur l'auto de Zigomar. Ils jetèrent à bas, un peu durement peut-être, mais promptement, les aides qui se tenaient sur le siège. Et l'auto, emportant le doux fardeau si chèrement conquis, s'éloigna. Les hommes de Paulin Broquet, sous la conduite de Gabriel et de Lamorce, s'étaient postés autour de la voiture dans laquelle se trouvaient leur chef et son prisonnier. Aucune surprise n'était possible. Paulin Broquet, attendant le retour de la voiture qui devait lui donner l'assurance que Miss Eden et Darling étaient arrivés à bon port, fumait cigarette sur cigarette, ne perdait pas de l'œil Zigomar. Et cette attente, dans cette voiture, cette attente, durant laquelle ces deux hommes, se haïssant si profondément, s'étant jurés mutuellement la mort, ces deux hommes se touchaient, avait quelque chose de profondément dramatique. L'heure fut longue, tragique. Enfin, l'auto de Zigomar parut. Les hommes de Paulin Broquet vinrent rendre compte du voyage. « Chef, dirent-ils, c'est fait. » Cela voulait tout dire. Alors seulement les portières de l'auto s'ouvrirent d'un coup. Zygomar sauta à terre. Von Twig, quelques aides, se trouvaient devant la grille de la villa, attendant le maître. Zygomar remonta vers eux. Paulin Broquet sauta également à terre. Ses hommes maintenant se trouvaient sur deux rangs auprès des voitures. « Quoi qu'il arrive, commanda Paulin Broquet, que personne ne bouge sans mon ordre. » Et il fit quelques pas en avant. Des voitures à la grille de la villa, il y avait à peu près 40 pas à faire. Zygomar était environ à 10 pas de la grille. Thom Twig vint à lui et de nouveau, il lui serra la main. À ce geste, Paulin Broquet s'avança encore. Il tenait maintenant en main son revolver. Zygomar tout à coup se retourna. Il tira son chapeau et salua. Paulin Broquet rendit le salut. Mais aussitôt, pendant que Paulin Broquet se recoiffait, Zygomar étendit le bras, fit feu sur le détective. Mais Paulin Broquet s'attendait à cela, et c'est de la main gauche qu'il venait de saluer. Zygomar n'avait pu le voir. Paulin Broquet donc, de sa main droite libre, fit feu presque en même temps que le bandit. Un cri retentit. Zygomar ne put faire feu une seconde fois. Il roula dans les bras de Thom Twig. Les aides, vivement, avec une promptitude, une discipline admirable, s'emparèrent du maître et l'emportèrent. Derrière eux, ils fermèrent la grille de fer. Paulin Broquet, son revolver à la main, magnifique, splendide, se dressant seul, cible admirable, bravant comme toujours ses ennemis, attendit de nouveaux coups de feu. On ne tira pas sur lui. Mais un cri retentit, poussé par les aides. « Zalavi !» Paulin Broquet répondit à pleine voix. « Zalamor !»